Il y a eu le Big Bang il y a 13 milliards d'années, puis la naissance de la Terre, l'apparition de la vie, de l'homme, la bipédie, la PPG au paléolithique, les vikings qui se préparaient à envahir la Normandie en faisant du tapis de course sur leur bateau, la création du franc en 1360, et il en fallait déjà beaucoup à l'époque pour participer au marathon organisé par ASO. Magellan qui a fait le tour de la Terre sans activer sa montre GPS, le con. La Saint-Barthélemy et des milliers de finishers massacrés par des athlètes de club. La prise de l'Adidas Runners Bastille en 1789. La guerre froide entre les Instagrammeurs et les genoux dans le gif. L'invention d'Internet, des ceintures portes de Sarre et enfin... Et enfin, le 16e épisode de Jogging Bonito. Blah. Une fois n'est pas coutume. J'ai le plaisir d'être aux commandes de cette émission dans laquelle je ne serai pas seul, malheureusement pour mes fans, mais vous verrez, vous apprécierez la présence de deux comparses croisés dans les couloirs de notre studio virtuel, tels des mormons, chemise blanche impeccable, à savoir Émir, qui d'ailleurs lui-même n'est pas dépourvu de fans. Salut Émir. Salut David. Salut, j'espère que tu es content d'être là et que tu n'es pas trop fatigué. Très heureux. Il y a cette euphorie de la nuit, hein. On va en parler dans les prochains temps. C'est ça. Dis-moi, Émir, si tu pouvais me raconter ta vie en une phrase, qu'est-ce que tu dirais ? C'est fait. le vide sidéral. Je pensais que tu convoquerais le jogger qui râle pour nous proposer cette phrase. C'est vrai que lui, en une phrase, du coup, il peut te faire une chronique entière, hein. Il peut ne pas mettre de points. Mais moi, j'ai c'est pas clair. Réussi. Non, là, non, parce que j'ai pas réussi en une phrase. Je suis pas un truc représentatif, là, d'un coup, punchy comme ça, non. Non, je sais pas. Je dirais l'amour. Voilà, c'est tout. L'amour. Point. C'est magnifique. Une phrase. Et bien sûr, vous avez peut-être entendu sa voix. Elle est là, notre première féminine SEF, première au scratch devant les hommes de la team. Yes. Et donc, elle a décidé de me piquer ma place de chroniqueur. Salut, Marty. Hello. Hello, ça va ? Ça va, super, ouais. Tout se passe bien pour toi ? Pour pas l'instant. Pas trop le track ? Bah, un petit peu quand même, quoi. Mais ça va pour l'instant. J'espère, hein. On va te mettre à l'épreuve de toute façon. Ooh. Écoute-moi bien, Margie. J'ai une question pour toi. Et elle va conditionner ta présence ou non comme chroniqueuse dans cet épisode. Oh, punaise, vas-y. J'ai peur, là. Je veux relever le défi. Vas-y. Allons-y. Quel est le record du monde du marathon ? À la seconde près. Écoute très attentivement mes deux propositions. Est-ce Denis Kimeto en 2h02 et 57 secondes ou Micheline en 7h01? Micheline. Bravo. Yes. Superbe. Eh bien, tu as gagné ta place. Et nous, on embrasse Micheline car c'est notre meilleure athlète et on est très fiers d'elle. Donc, au sommaire de ce 16e épisode, nous aurons Émir qui vous racontera quelques anecdotes liées à la gestion de la fatigue, suivi de Margie qui, pour sa première chronique, donnera sa perception de la notion de l'effort. Jingle. On le sait, Émir et Carole, avec qui il forme les Lapins Runners, a une solide expérience de l'ultra. Et un ultra, ce n'est pas une épreuve comme les autres. Il y a de nombreux paramètres à gérer, et parmi eux, la fatigue, qui, il nous l'a déjà dit, est un paramètre qui l'angoisse énormément. Un paramètre qui provoque parfois des états fascinants, mais également totalement flippants, comme il va nous le raconter. Pardon. Que je lise la chronique. Ah merde, je suis désolé. C'est bon. L'enchaînement était bon, ça aurait été bien, ça aurait évité une coupure, mais moi au lieu de ça, je fais un blanc géant, tu vois. Ouais. Ah, on coupera. On coupera pas, c'est énorme. Bref, ok. Ok, les bonitos, aujourd'hui j'ai envie de vous faire part d'une de mes expériences de trail que je trouve des plus fascinantes. Il s'agit du fonctionnement de mon cerveau face à la fatigue extrême à laquelle un ultra trail de plus de 40 heures peut nous exposer. Dans cette chronique, je n'oserai parler que de mon propre cerveau, car je ne peux me permettre de généraliser n'ayant eu que peu de retours d'expérience de personnes qui ont vécu des situations similaires. D'ailleurs, cher Bonito, si vous avez des retours d'expérience dans des situations de fatigue forte où vous avez perdu votre lucidité ou toute autre forme de perte de contrôle de vos moyens cognitifs, je suis tout à fait preneur de vos retours sur notre Discord. Je trouve que c'est un sujet vraiment fascinant. Ok, donc je souhaite pour cette chronique revenir sur trois anecdotes que j'ai vécues sur Ultra et qui ont marqué ma vie pour toujours, tant elles m'ont fasciné. Ces anecdotes sont fascinantes car j'étais en mesure de les observer pendant que je les subissais sur des courses longues. Ce qu'elles ont d'encore plus fascinant à mon avis, c'est qu'à part savoir qu'elles sont déclenchées par un évident manque de sommeil, j'ai aucune idée de quelles conditions physiologiques exactes peuvent déclencher un tel état. C'est-à-dire chimiquement, je ne sais pas vous dire ce qui fait que, qu'est-ce qui manque dans le cerveau à ce moment-là, qu'est-ce qui concrètement manque, hein, c'est pour déclencher ce dont je vais vous parler dans quelques instants. Je ne sais donc toujours pas hein, dire quelle est la recette pour reproduire cet état ou à l'inverse pour l'éviter. Bref, passons au concret. La première anecdote a eu lieu fin août 2016 sur l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont-Blanc, après une trentaine d'heures de course lors de la seconde nuit. Ce qui est évident pour moi avec le recul, c'est que les moments de fatigue extrême en course longue et contre lesquels j'ai énormément de mal à lutter, ça se déroule systématiquement de nuit. En effet, je pense que l'obscurité liée à la fatigue physique, ça semble déclencher une sorte d'appel biologique au sommeil, peut-être par le biais d'hormones, contre laquelle même une solide volonté ne peut plus lutter. Garder les yeux ouverts, se verser de l'eau sur la tête, dans les yeux, consommer de la caféine, de la vitamine C, de la taurine, ça synthétique bien sûr, du guarana, du ginseng, tout ce que vous voulez, il n'y a rien qui y fait. Les yeux se ferment, le corps veut juste se désactiver temporairement, et il le fait savoir. Et afin de tenter de déclencher une sorte d'état de repos à ce moment-là, tout en ne perdant pas de temps à rester à 0 km/h et baisser la moyenne, j'ai opté pour fermer les yeux tout en avançant. Et non, bien sûr, pour que ce soit possible, il faut être sur un chemin sans achoppement. Et par chance, c'était le cas à ce moment-là. Donc c'est évidemment impossible sur un pierrier de fermer les yeux et d'avancer. C'est casse-gueule, c'est complètement casse-gueule, il faut surtout pas faire ça. Donc je me suis retrouvé à ce moment-là dans un état où j'étais capable de marcher à une allure correcte, en tout cas dans mes souvenirs flous, tout en étant dans un état qui était très proche du sommeil. J'ai quelques images très vagues en tête de ce moment, où je voyais mes pieds en train d'avancer parmi une certaine foule en sortie de ravito et mon corps en mouvement. C'est des images qui sont floues, où je sais même pas très bien où je suis, je sais même pas il est quelle heure, je sais pas pourquoi je fais ça, je sais pas si je suis en mesure d'éviter les obstacles, tout ça est complètement flou et j'ai aucune notion du temps. Mais dans ces images, je suis vraiment en train d'avancer. Comme si mon cerveau s'était câblé en autopilote, qui s'était donné pour objectif d'éteindre toutes les fonctions cognitives de perception des signaux, en quelque sorte, toutes les fonctions de remise en question, toutes les fonctions de réflexion même, pour ne laisser que le minimum. En gros, du repos, un maximum de repos, et l'inertie du mouvement actuel. Le fait que j'étais en train de marcher, le cerveau a décidé de continuer ce mouvement, tout en éteignant tout le reste. Et je trouve que c'est incroyable que ce genre de choses puisse se passer dans notre boîte crânienne. C'est un peu comme si on était réduit à ce que nous sommes certainement au fond, un système mécanique complexe qui active des fonctions et qui en éteint d'autres. Alors, seconde anecdote maintenant, celle des hallucinations. Donc là encore, je trouve ça hyper fascinant, donc je vous l'ai déjà dit. La première phase des hallucinations que j'ai vécue encore une fois sur l'UTMB fin août 2016, c'était une sorte de détérioration de mes moyens qui s'est manifestée par un flux de pensées brouillées que je n'arrivais pas à éteindre. Alors c'est pas évident à comprendre, mais pour y parvenir, je vais essayer de revenir sur des bases simples de l'organisation de nos pensées quand tout va bien. Alors, mettons qu'en temps normal, si je veux accéder à un souvenir qui est rangé dans ma mémoire, en gros, il suffit d'y faire sciemment appel dans son cerveau pour restituer un petit peu le contexte. Et avoir des images défilées. Donc, par exemple, je veux accéder au souvenir de mon premier D-Born, il suffit que je pense à 2012, mon cerveau me donne les premières images qui lui viennent à ce sujet, et ensuite, si je veux préciser un petit peu le souvenir, je fais appel à des images plus spécifiques du moment. Je les matérialise dans ma tête, le départ, le milieu, l'arrivée, et j'ai de nouvelles images, j'ai les souvenirs qui remontent. Donc c'est un peu comme une grande bibliothèque avec des allées et des étagères dans lesquelles je me promène. Je prends un ouvrage, je le consulte. J'ouvre donc un flux de pensée que je maîtrise, et quand j'ai terminé, je referme sciemment le livre et je passe à autre chose. Donc tout ça, c'est super instinctif en fait, quand on est en pleine possession de ses moyens. Ça peut donc paraître étrange de l'expliquer, mais je crois que c'est essentiel pour comprendre pour comprendre mon ce qui m'est arrivé, okay, au moment où ça ne fonctionne pas. Si je reviens du coup à ce que j'ai vécu sur cette montagne, c'est un peu comme s'il y avait un tremblement de terre dans la bibliothèque, avec des livres qui tombaient et qui s'ouvraient en m'envoyant des images de n'importe quelle période de ma vie, en fait, tout en même temps, et surtout de manière complètement non contrôlée et inarrêtable. Alors, je voulais bien stopper ce flux de pensées brouillon qui n'avait aucun sens, mais je pouvais pas. C'était le chaos total dans ma tête. Un peu comme ces scènes de films où on voit des acteurs un peu au bord de la folie qui entendent des trucs de plus en plus forts et qui tentent de se boucher les oreilles pour y échapper, mais que ça ne marche pas. Vous voyez, vous avez déjà vu ce genre de scène. C'était exactement la même chose, mais dans le calme. C'est-à-dire, je suis sûr, de l'extérieur, c'était un moi calmement en train de marcher sur une montagne. Et la seconde étape de cette détérioration de mon état, c'était ce que j'ai appelé l'étape du patchwork. Alors, je m'explique. Dans cette étape, le brouhaha se calme, donc le flux de pensée continue et brouillon s'arrête. Mais donc on a plein de livres au sol, hein, de la bibliothèque, c'est le bordel, mais ça tremble plus. Là, ce qui se passe, c'est que mon cerveau se met à ouvrir des livres au hasard et à essayer d'en faire une seule et même histoire cohérente. Autrement dit, il y a mon cerveau qui prend des sources de données et qui essaye de les croiser pour faire un ensemble, ce qui est pourtant totalement impossible. C'est un algorithme, quoi. C'est un peu ça. Et parmi ces sources de données, il y a les livres, donc les souvenirs, hein, si je reprends l'analogie. Mais il y a aussi les sources d'informations en temps réel. Donc c'est ce que je vois finalement, c'est ce que l'acquisition de mes yeux, l'acquisition de mes oreilles, les bruits environnants, les paroles. Donc tout ça crée une perception du moment présent qui est totalement biaisée, puisque tout se mélange. Et à côté de ça, il y a les arbres, les montagnes, tous les éléments de décor qui prennent des formes humaines ou animales, qui se mélangent à des souvenirs passés et qui créent des histoires. Donc, par exemple, j'étais persuadé pendant je ne sais pas combien de temps que j'étais en train de faire l'UTMB avec un client au boulot, hein, clairement, et que j'avais en charge de lui faire découvrir l'épreuve, et que j'avais mes collègues qui m'attendaient sur un compte-rendu de cette réunion. C'est un truc à vous... Vraiment, et le pire dans tout ça, c'est que dans ma tête, c'était totalement crédible. Je me disais pas, c'est pas possible ce que t'es en train de... Non, il n'y a pas un client là. Non, non, c'était crédible, ça marchait. Et c'est seulement longtemps après la course, et après avoir dormi, que je me suis aperçu que ça n'avait aucun sens, et que c'était qu'une sorte de rêve éveillé géant. 3 jours plus tard, à la machine à café avec le collègue, on s'est pas vu il y a 3 jours. Ouais, ça... C'était toi? Du coup, oui, en étant lucide, on se demande même comment c'est possible d'y croire tellement ça n'a aucun sens. Bref. Et donc, à côté de ça, pendant ce temps-là, en fait, il y avait vraiment... Il y avait bien sûr des hallucinations beaucoup plus classiques, hein, mais tout autant étonnantes. C'est la moindre branche d'arbre qui devient un animal sauvage, une maison à l'horizon qui est un éléphant géant. Et tout ça en ayant le cerveau qui se demande vraiment si ce qu'il voit est réel. Donc comme si le cerveau essayait de prendre des raccourcis sur sa perception de l'entourage, et là encore, c'est certainement, je pense, un souci d'économie. Comme s'il essayait de créer au plus vite une image concrète à partir d'une forme qui lui est a priori difficile à distinguer pour économiser de l'énergie. Bref, je vais terminer par l'anecdote qui est probablement, en tout cas dans ma tête, la plus dingue de toutes. C'est celle que j'ai nommée l'hallucination inversée. Alors celle-ci, c'est absolument pas un terme scientifique, hein, je l'ai inventé, je sais pas ce que ça veut rien dire du tout. Bah ça l'est maintenant. Voilà, ça l'est devenu. Donc celle-ci, elle m'est arrivée encore une fois sur l'UTMB, hein, voilà, m'a marqué, au 130e, et Carole et moi, on venait tout juste de faire une sieste qui nous aura été fatale quelques minutes après. Pourquoi je dis ça, je vous invite à, si vous voulez voir le récit de l'UTMB, vous pouvez le trouver très facilement sur YouTube. Cette sieste qu'on a fait, elle était plus que nécessaire, et à tel point que nous sommes endormis sur une pierre sur le bord de la route. Hein. J'avais atteint un tel état de fatigue que je pouvais vraiment dormir en l'absence totale de confort, comme ça m'arrive souvent sur les ultras. Donc avec mon sac de trail en guise d'oreiller, avec une veste de trail en guise de couverture, et un mollet posé dans une fourmilière rouge, ça pose pas plus de problème que ça. On est même pas au courant qu'on est en train de se faire bouffer, quoi. J'étais évidemment avec Carole à ce moment-là, donc qui a mis un petit réveil pour s'assurer que nous n'allions pas y rester toute la nuit. Un réveil que j'ai évidemment jamais entendu, et c'est Carole qui m'a réveillé. Et quand je me suis réveillé, j'ai vécu une sensation complètement dingue. En fait, ça, j'avais froid, je le sentais, j'avais sommeil, je le sentais aussi, il faisait noir, il n'y avait personne autour de nous, on était juste en haut d'une montagne, mais c'était dingue. Ça ressemblait vraiment à un cauchemar, un mauvais rêve. Mon cerveau, il était dans un tel inconfort qu'il a refusé de croire que c'était pas un cauchemar. Mon cerveau, il pensait à ce moment-là que ce que je vivais, c'était pas la réalité. Il a instinctivement cherché à s'en protéger et à se réveiller de ce cauchemar dans un lit douillet. Je pensais être dans un rêve et je voulais m'en réveiller. Ma notion du temps, elle était totalement inexistante, mais je pense que j'ai mis quelque chose comme 10 minutes à comprendre que j'étais vraiment là, en haut d'une montagne, dans le noir, dans le froid, et que je pouvais pas juste me réveiller pour y échapper. Cet inconfort était on ne peut plus réel, il était là, et je pouvais le surmonter qu'en marchant vers la base suivante. Et ça, je me souviendrai toujours de cette sensation, celle où mon cerveau refusait de voir la réalité en face, tellement elle lui paraissait difficile. Et j'ai envie d'ajouter tout de même à tout ça un point d'analyse hein, qui me semble essentiel avant de finir cette chronique, concernant la dangerosité en fait de ces moments. C'est-à-dire que j'en parle un petit peu amusé, fasciné, etc. Mais franchement, les amis, ces moments ont beau être intéressants, ils sont, je pense, vraiment dangereux. Donc comment faire confiance finalement aux capacités de son corps à survivre en montagne quand on n'est pas du tout en pleine possession de ses moyens? Comment prendre la décision de s'arrêter par manque de lucidité, hein, certainement, quand le cerveau n'est même plus capable de prendre une décision? En fait, lors de la dernière anecdote, après avoir récupéré mes moyens, on a croisé avec Carole des véritables zombies. J'avais jamais vu ça. C'était des types à 3 h du mat en haut d'une montagne, en train de marcher en zigzag dans la pampa, quoi. C'était vraiment flippant. À un point, on s'est dit, c'est pas possible. Il faut absolument qu'on trouve un bénévole, qu'on trouve un secouriste, quelqu'un, pour aller les chercher et les ramener en sécurité, ces gars-là. Et avec le recul, je pense vraiment qu'il est super dangereux de jouer avec ça, et que le mieux à faire, si on sait qu'on est sujet à la fatigue, et qu'on souhaite se lancer dans des ultras avec potentiellement plusieurs nuits, c'est de s'assurer d'avoir dans le plan de course, dans son propre plan de course, dans ses prévisions de course, le temps nécessaire pour aménager des siestes qui vous empêcheront d'atteindre ces états, et de jamais vous retrouver en altitude sans la possession de vos moyens. Ok, donc on voit qu'Emir n'a pas pu s'empêcher de terminer sa chronique sur une recommandation, hein? Les conseils, suivez-les, ou pas. Avant toute chose, j'ai envie de demander à Margie si elle s'est déjà retrouvée dans un état de fatigue qui aurait entraîné une perte, ce type de perte de lucidité. Non, non, non, jamais non, ça ça t'est jamais arrivé. Non, non. Donc, exceptionnellement, tu ne participeras pas au débat qui va suivre. Ok, merci, c'était cool. Non. qu'est-ce que tu penses des états décrits par Émir? Est-ce que ça te fera réfléchir la prochaine fois que tu t'inscriras dans un ultra? Est-ce que tu trouves ça flippant? Est-ce que ça te fait sourire? Moi, je trouve ça hyper fascinant. C'est impressionnant, en fait. Parce que. Ouais. C'est fascinant parce que, en fait, c'est une exploration de ce qu'on peut encaisser dans nos limites, en fait, et où elles sont finalement les limites. Et une exploration de nous, de notre corps et de notre esprit aussi, quoi. Mais du coup, ça veut dire que tu as compris? Ça m'intéresse, c'était compréhensible. Parce que quand on l'a pas vécu, ça doit pas être facile à comprendre ce que je raconte. Ah si si si, ah, bah, tu Oui, l'as ça super va? bien expliqué en plus là, le coup de la bibliothèque et Bah tout ça oui. là, c'était super bien expliqué. Bon, ça va. L'analogie était très très très parlante. Moi, personnellement, j'ai pas trop de souvenirs en course, même dans le cadre d'un 100 km de nuit. Pour ma part, j'ai toujours réussi à rester conscient, même si j'ai vu des gens en difficulté, tituber un peu aussi en mode zombie ou sur le côté faire des siestes. Ouais. Mais par contre, ça m'est déjà arrivé en dehors de la course à pied, en voiture par exemple, en phase d'endormissement un petit peu. Ça m'est arrivé aussi de. D'ailleurs, je peux raconter cette anecdote. J'étais avec un groupe de musique. On était dans un van, on était 5-6. Moi, je conduisais, tous les autres dormaient, on se relayait. Et à un moment donné, j'ai cru qu'on se prenait un camion, quoi. Donc on allait percuter un camion qui arrivait dans le sens inverse, quoi. Et donc j'ai fait un cri qui a réveillé tout le monde. Et puis je me suis rendu compte que je me suis auto-réveillé en fait. Et c'était une hallucination vraiment. Et en fait, je me souviens avoir eu cette réflexion. La réflexion suivante, c'était « Ah ben non !» Ah ben non, les gars, c'est bon, rendez-vous. C'était pas ça. Tout va bien. Les gars étaient totalement flippés, quoi. Et moi, j'étais persuadé qu'on se prenait un camion, là. Et puis, c'est quand même fascinant dans ce que tu racontes. Ce que je trouve fascinant, en fait, dans ce que tu racontes, Émir, c'est notre capacité à voir des choses inanimées devenir animées. Mmh. C'est souvent dans ce sens-là, en fait. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Ouais, c'est, ou des, c'est, des choses c'est, qui c'est quelque chose, c'est ça qui me fascine, mais c'est complètement, et c'est dingue parce que enfin même si c'est des choses inanimées, enfin des choses inanimées qui deviennent animées, ça c'est, ça arrive beaucoup, mais il y a énormément de choses qui, en étant complètement lucide, parfois je sais pas, on regarde un nuage par exemple, on réfléchit deux secondes, on se dit tiens, je sais rien, ça ressemble à une tortue par exemple, je sais rien, je dis ça au pif, mais quand j'étais dans ces états-là de nuit, en fait j'avais même pas à me demander à quoi ça ressemblait, ça devenait ce truc-là, instantanément. C'était, c'est comme si ça déverrouillait un... Ouais, une sorte de faculté truc, étonnante à créer des choses qui ont du sens, alors que c'est plutôt abstrait à la base, en fait. Ouais, c'est vraiment étonnant, ouais, parce que c'est très créatif. Le cerveau, très créatif, il crée des choses à partir de... C'est peut-être aussi un moyen de... Parce que c'est souvent des... Peut-être pas en même temps. C'est souvent des choses désagréables que tu penses. Au final, non, pas forcément. Pas forcément, non. C'est-à-dire que c'est peut-être un moyen aussi pour le corps de signaler le danger encore et encore en donnant des trucs qui font peur, quoi, tu vois. Mais non, si c'est pas toujours le cas. Pour l'histoire de David, certainement. Ouais. Ça pouvait l'être, ouais. Je pense que oui, toi... C'était peut-être l'expression d'une angoisse, le fait de se sentir incapable... De continuer à conduire. Ouais. Mais oui, on pourra en revenir un petit peu au débat. Émir, tu nous as décrit cet état de fatigue intense. Est-ce que tu crois que c'est possible de ressentir une certaine ivresse, une sensation agréable que tu ne rechercherais pas forcément, hein, mais qui, lorsque ça se produit, ben, te plaît ? Est-ce que tu as pu ressentir une forme de... pas satisfaction, mais de plaisir, en fait, à être dans cet état un petit peu de zombie, en fait. Honnêtement, non, je pense que j'ai pas vécu d'hallucinations que j'ai trouvées agréables. Au mieux, elles étaient bénignes. Au mieux, elles n'étaient pas dérangeantes. Au mieux, je me disais juste, c'est comme ça. Ok, je vois des trucs qui sont clairement pas là, mais je les vois quand même, c'est pas grave, c'est pas un problème. Mais pour la plupart... C'était gênant, notamment je parlais de quand c'était le bordel dans ma tête, je voulais vraiment éteindre ce truc, éteindre ce flux de pensée, je suis à dire à mon cerveau, mais ouais, arrête, laisse-moi tranquille 2 minutes, et c'était pas possible, donc très désagréable sur ça. Mais ouais. tu n'as jamais pensé à, ou tu n'as jamais eu l'occasion de filmer ces moments-là ? Ah, oui, ah non, parce que non, t'es trop loin, enfin dans ces cas-là, je suis trop loin Tu es incapable, il n'y a pas de caméra dans ma... Non, il n'y a plus, je ne sais pas ce que c'est, tu vois, c'est... Ouais, mais c'est... ça aurait pu arriver que la caméra était en route et ça t'arrive, quoi, tu vois. Ouais, complètement. Ah oui, bah non. Et c'est jamais. Je pense clairement que... la mettre en continu pour... Je pense clairement que de l'extérieur, je suis juste un mec en train de marcher. Ouais, ouais. Ouais. Ça se trouve, on voit rien du tout. C'est le bordel, mais je pense qu'à l'extérieur, je suis un gars qui marche. À mon avis. Ouais, non, mais ça serait intéressant de voir si tu t'exprimes aussi. Peut-être que t'as pas le souvenir de choses que tu as pu dire. Ou... Ouais, c'est vrai. J'en ai quelques peut-être fois. Peut-être que aussi ça te ferait. Ça, j'en ai pas parlé, mais j'ai quelques retours de temps en temps de Carole qui me dit que j'ai dit tel ou tel truc dont je me souviens pas du tout avoir dit, quoi. Ouais. Mais ça m'arrive aussi. Je suis un peu sujet à ça. C'est parfois quand je suis en train de m'endormir ou quand je suis en train de me réveiller, parfois je dis des trucs que je m'en rappelle pas. Alors c'est pas commun, mais moi ça m'arrive pas mal. Dans la vie de tous les jours, quoi. Ouais. Ouais. Je sais pas si c'est pas commun. C'est peut-être commun, je sais pas, en fait. À votre avis, au bout de combien de temps d'épreuve on est exposé à un vrai risque d'endormissement ? Ou quand. Ouais. Ou alors quand dans un enregistrement de Jogging Bonito ? Ben, ça dépend combien d'heures t'es réveillé au moment où tu entames l'enregistrement. Depuis combien d'heures t'es debout ? Je pense que tu parlais tout à l'heure, David, de ne pas avoir vécu ça sur un sans-borne, même si c'était nuit. Moi, ça ne me choque pas que tu n'aies pas vécu ça parce que tu n'étais pas réveillé assez longtemps. Il faut passer 24 heures déjà, je pense, non ? Ouais. 48 heures, quand tu as déjà passé une nuit à ne pas dormir, je pense déjà. Une nuit à ne pas dormir, moi, je trouve que ce n'est pas du tout un problème. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, c'est pas un problème du tout. En revanche, quand t'as fait une nuit à ne pas dormir, que t'as fait toute la journée et que t'entames la deuxième nuit à ne pas dormir, là, ça commence à devenir. Pour moi, là, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de faire des siestes parce que ça commence à devenir dangereux. Et c'est vraiment la nuit, en fait. Comme je le disais, pour moi, c'est que la nuit. Le Mais jour, il se j'ai passe pas un truc sommeil. la nuit, hein. Enfin, tu sais, tu as parlé dans ta chronique d'hormones, machin, mais Ouais, je sais pas, il y a je m'y quelque chose connais de pas assez. J'ai physiologique, pas hein. fouillé internet pour savoir. Mais oui, il doit se passer un truc forcément quand il fait jour. Je sais pas, mais mon cerveau, il se dit pas, ouais, ok, je suis crevé. Il se le dit que Mais quand il tu fait sais, nuit, même, quoi. bon, c'est peut-être pas une bonne, mais on dit souvent que les gens, enfin, par exemple, les malades dans les hôpitaux et tout ça, ils ont plus mal la nuit aussi. Oui, on dit que la douleur s'amplifie la nuit, même pas que dans les hôpitaux. Hein. Toi, Ouais, je quand tu pense à vas ça, quelque mais part, ouais. tu perçois plus le soir, la nuit. Ouais, effectivement. Quand il y a peut-être un environnement qui fait que tu ne vois plus ou n'entends plus que ça, ne sens plus que ça. Ouais. Comment peut-on se préparer afin de ne pas trop ressentir le sommeil dans une épreuve longue, selon vous? Est-ce qu'on peut faire des siestes en course, gérer son sommeil les jours précédents, apprendre à courir de nuit, s'entraîner à peu dormir? Ah, il y a des Donc, il y a entraînements, cette. ça. Il y a des gars qui font des micro-siestes et tout ça, là. Il y a des choses comme ça. Qui s'entraînent à faire des micro-siestes, tu veux dire? Ouais. Être en fait à Ça, je sais faire des faire, moi. siestes hyper efficaces. Tu sais, à tomber dans le. Je sais pas, je sais pas le cycle du sommeil exactement, je veux pas dire des bêtises, mais t'as le cycle où tu te reposes vraiment. Et il y a des gars qui Ben s'entraînent à arriver à ce cycle directement. Et comme ça, tu n'as pas besoin de dormir pendant trop longtemps pour oui. être. Ouais. Éviter de taper une sieste, un moment de sommeil où tu es censé être en sommeil profond ou un truc comme ça, parce que tu pourras pas te permettre de dormir 4 heures, j'en sais rien. Hein. Est-ce que tu penses à, est-ce que Émir, toi aussi, tu penses à d'autres. Enfin, des possibilités, ou est-ce que tu as expérimenté des façons de se préparer avant un ultra de façon à pas à être le moins fatigué possible? Oui, alors il y a ce qui est du bon sens, c'est-à-dire si l'ultra démarre en fin de journée, essayez autant que possible de dormir dans la journée pour essayer de capitaliser un maximum. C'est pas évident du tout, hein, mais essayez de faire ça, déclencher des siestes, je sais pas. Moi, c'est souvent des choses que j'ai essayé de faire. Évidemment, si ça démarre le matin, la nuit précédente, essayez de dormir le plus tôt possible. En fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est réduire au maximum le nombre d'heures éveillées avant le départ de la course. Comme ça, au moins, c'est du bon sens ce que je dis là. Donc, je pense que tout le monde a Et compris. dans ta Après, chronique, Émir, oui. tu disais que il faudrait s'entraîner, enfin, penser à mettre des siestes dans son plan de course, quoi, en fait. T'as déjà essayé, du coup? Bah oui, mais c'est pas assez organisé Je dans pense ce qu'on que peut je dire fais. que Mardi a repris le Oh, lead. pardon. Non, Oui, non, j'étais intéressée. c'est vrai, c'est. chasser les habitudes, elles reviennent. Hein. C'est clair. non, je pense que j'en ai fait des siestes parce que en fait, enfin, j'ai pas pu faire autrement quand j'en ai fait, mais c'était pas assez pensé, c'était pas assez réfléchi. Mais je pense que pour des personnes, moi je le sais maintenant que j'ai besoin de dormir sur un ultra, j'ai plus besoin de le découvrir. Mais ce que je pense, c'est que certaines personnes qui ne le savent pas encore et qui s'apprêtent à faire des épreuves super longues, ça peut être intéressant d'aller tester d'aller se tester à l'épreuve d'une course très longue, hein, sans nécessairement faire d'efforts, mais se dire je ne vais pas dormir pendant X temps et je vais voir comment je le vis. Voir si justement le cerveau part en vrille et voir si on veut s'en prémunir et donc faire un plan de course où tu te dis voilà, j'ai prévu d'arriver à telle heure à tel point, j'aurai X temps d'avance sur la barrière. Donc, je pourrais me permettre X temps de sommeil, et ce serait du coup du préventif, mais de sorte à ne jamais atteindre ce manque de sommeil qui déclencherait cet état. Un peu comme on prévient une hypoglycémie pour jamais tomber dedans en mangeant tous les X temps pour éviter d'arriver en hypo. À la fin de ta chronique, tu parles des dangers et tu poses la question en quelque sorte, comment s'arrêter en fait? Que mettre en place ou comment s'arrêter quand on est dans un état de quand on n'est plus Quand on est autopilote, plus si je lucide en parlais fait. d'un état d'autopilote, quand tu es un autopilote, tu Ouais, peux pas c'est tout à fait décider de ça. t'arrêter, tu sais plus. Ben non. Ouais, complètement. Donc, il n'y a aucune solution, en fait. Donc, quand tu atteins cet état-là, oui, c'est pour ça qu'il faut faire, à mon avis, en sorte de ne pas y arriver. C'est-à-dire, moi, dans ce cas-là, je me suis mis à fermer les yeux tout en marchant, parce que j'étais ric-rac, hein, ça arrive souvent. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas envie de me mettre à zéro à l'heure, j'ai pas prévu de faire de sieste, donc je vais avancer quand même. En plus, petite complexité supplémentaire, quand on est deux, voilà, c'est compliqué de synchroniser son sommeil avec la personne avec qui on fait un ultra, quoi. Déjà, l'ultra à deux, c'est d'une complexité, je vous raconte pas. Mais en plus, quand il y a deux nuits, ça devient... C'est aussi un avantage quand même d'être à deux. Parce que si ça se passe mal, tu sais qu'il y a Carole qui peut te récupérer. Vous auto-surveiller. Ouais, ouais. Ouais. Oui, c'est un avantage pour la sécurité. Ouais. Oui, c'est vrai. Bon, c'est déjà un point intéressant. C'est un point intéressant. C'est de pouvoir se retrouver ou coller un groupe. Éviter peut-être, quand on en a la possibilité, de rester seul. Oui. C'est peut-être des choses qu'on peut... Oui. Mais autant que possible, éviter de se retrouver dans un état trop faible à repartir d'un ravito, en particulier si c'est en fin de peloton et qu'il n'y a pas de densité, éviter si c'est possible ce genre de choses. Et pour ça, c'est aménager des siestes pour prévenir, plutôt que guérir ce genre d'état. J'ai une autre question qui est un peu compliquée. dans ta deuxième anecdote, Émir, on a l'impression que tu es comme possédé. Est-ce que tu t'es déjà fait exorciser ? Non, ça, c'est pas ma question. Pourtant, ça m'intéressait de savoir. Oui, bah, tu peux répondre si tu veux, Émir. Raconte-nous. Tu t'es déjà fait exorciser. Raconte cette expérience. Ben non, c'est jamais arrivé. Pourtant, quand je vois des films, à chaque fois, il y a les mecs avec les bibles et les croix et tout. À chaque fois, je me dis, putain, ça a l'air mortel. Mais t'as pas besoin de ça, regarde, tu fais des ultras, c'est bon. C'est vrai. Est-ce qu'on peut parler d'une perte de conscience quand on est dans cet état-là ? Parce qu'en fait, malgré ça, on peut réussir à courir ou à avancer. En fait, je pensais, par exemple, le souvenir, la mémoire, c'est aussi un processus cognitif qui s'active aussi inconsciemment, ce qui nous permet aussi de faire ce qu'on sait faire. Peut-être que ça s'active, en fait. Est-ce que c'est encore une infime partie de conscience qui commande, ou est-ce que c'est une forme de réflexe ? Enfin, je sais pas, si vous remettez un peu en ordre tout ce que je viens de dire et que vous m'avez compris, est-ce que vous vous sentez capable de fournir une réponse ? Oui, mais je laisse Margie commencer. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Et je pense qu'il doit y avoir une partie de réflexe là-dedans parce que. Ouais, je pense. Un genre d'instinct. Ouais. Hein. Pour continuer d'avoir. Ouais, un instinct. C'est l'autopilote. C'est ça l'autopilote en fait. Ouais. C'est le réflexe. C'est le réflexe et ça doit être l'instinct, ouais. Parce que, par exemple, j'en ai pas parlé dans la chronique en anecdote, mais celle où je disais que je marchais sans m'en rendre compte, que je savais pas où j'étais. Et que pourtant les heures elles sont effectivement passées dans la vraie vie sans que j'en ai de souvenir, il m'est arrivé de faire la même, mais en courant, et en courant vite. Ça m'est déjà arrivé. Et ça, je me suis dit, mais attends, ça veut quand même dire que mon cerveau, il s'est démerdé pour que mon corps, il se pète pas la gueule, en courant vite. Et ça, il y a un truc de fascinant là-dedans aussi, c'est comment il a fait. Je sais pas, mais moi je sais pas. Je peux pas savoir, j'étais pas là. Enfin, j'étais là, mais j'ai pas... C'est comme si ton esprit... Enfin, c'est comme si l'esprit et le corps, on va dire, enfin, les fonctions physiques de base, quoi, étaient séparées, quoi, à ce moment-là, quoi. Mais ouais, comme si, ouais, c'est cet autopilote. Peut-être celui qu'on a quand on est sur la route, qu'on arrive à faire 50 km et en avoir aucun souvenir. C'est hyper dangereux, mais pourtant, t'es pas mort, quoi. Et tu les as roulés, les 50 bornes, tu vois, tu sais plus. Tu sais plus où t'étais. Non, mais ça, j'ai l'impression de l'avoir déjà un peu ressenti, ce genre de... Même d'être en état de conscience et, pendant la course et de se dire, mince, les 15, les 10 km qui viennent de passer, qu'est-ce que j'ai foutu, en fait ? J'étais où ? Ça, ouais, encore. Mais, tu as ressenti aussi, c'est un peu, ouais, mais c'est un peu de la notion... En fait, c'est, je sais pas, c'est un peu tout le temps... la notion du temps. La nuit, en plus. La notion de... Moi, j'ai jamais fait dans la nuit... en même temps. Enfin, j'ai commencé à courir le 5 mai, c'était là la nuit, mais c'est pas pareil parce que c'était le début de la course, donc ça n'a rien à voir. Je pense que quand tu cours sur de longues distances, la notion du temps, elle est complètement différente aussi, donc ça, c'est encore... Ouais. Tu sais, le temps, il ne s'étire pas de la même façon, quoi. Enfin, c'est... Ouais, mais c'est ce qui m'a marqué un peu dans le récit de d'Emir, c'est cette espèce de cafouillage entre ce qu'on est en train de vivre et ce qui a occupé notre esprit aussi, comme il le racontait tout à l'heure, avec les heures ou les jours qui précédaient, c'est-à-dire ce qu'il a pu faire avec les, peut-être ce qu'il a pu faire avec les collègues, etc. En fait, l'esprit prend tout et il mélange. Est-ce que, donc voilà, on est vraiment dans une notion de, enfin, dans une perte de la notion de temps, hein, c'est bien ça? Complètement. Moi, je pense que ouais. J'ai une autre question qui, pour aller un peu plus loin, est-ce qu'il n'y a que l'endormissement ou le sommeil qui peut causer un désordre dans notre cerveau, selon vous? Est-ce qu'on peut pas avoir, ça peut être une question de fatigue physique, j'allais dire musculaire, ou on va tellement loin, on pousse l'intensité tellement forte qu'on n'est pas loin du malaise. Je pense que, comme moi, ça m'est arrivé lors d'un test VMA, j'ai eu personnellement les oreilles qui se bouchaient, le son qui se perdait petit à petit, et être pas, enfin, j'étais pas très loin, je pense, d'un malaise vagal. Ouais, ça encore. Enfin, tu vois, quand tu m'as demandé au tout début si j'avais des pertes de lucidité, ça m'a déjà arrivé. Donc, ça ne m'est jamais arrivé au point de mire, hein, ça c'est clair et net. Mais pendant le 50 miles, et même pendant des entraînements, quand tu fais de la distance longue, quand mon énergie est vraiment très basse, je commence à perdre, je suis plus lucide, j'arrive plus à réfléchir correctement, quoi. Enfin, c'est un pied devant l'autre et tu sens que tu peux plus trop faire de réflexion. Je sais que le 50 miles, avant de tomber en hypoglycémie, quoi, enfin d'être en hypoglycémie, j'avais mon Playboy avec moi et je pouvais plus lui parler. C'était, tu vois, je pouvais plus. Il fallait vraiment. J'avais l'impression, enfin, mais c'est le physique en fait, et le physique et l'énergie qui descendent et du coup tu es près du malaise. Moi, je pensais à d'autres dans les la description des états de l'état d'Émir, on va dire. Je pensais à une autre d'autres circonstances qui peuvent nous faire ressentir cette perte de notion de temps, etc. C'est bah, quand on se réveille subitement, que ça nous arrive, je sais pas si c'est une question de cycle de sommeil profond ou quoi. On se réveille subitement et on sait plus quel moment de la journée il est, enfin, on est quel jour on est. L'heure, etc. On ne sait plus. D'ailleurs, on ne sait même plus dans quel sens on est, dans son lit ou quoi. Enfin, je ne sais C'est pas si ça vous est déjà arrivé ça. Enfin, je pense que c'est assez commun. vrai. Et je trouve qu'on ressent un peu ce type de sensation. Enfin, je trouve qu'il y a des ressemblances avec les descriptions d'Émir. Ouais, c'est effectivement, ça arrive tout à fait d'être un peu désemparé quand un réveil s'est passé brutalement. Je pense que on a beaucoup de gens expérimenté ça en se réveillant par exemple un matin brutalement à la suite d'un bruit énorme. Si t'étais par exemple dans un rêve ou un truc comme ça, t'as l'impression pendant quelques instants d'y être toujours. Ton cerveau, il a du mal à se dire merde, j'ai changé d'un seul coup d'environnement. Ça, c'est. Ouais, c'est Et ça. parfois tu l'embrouilles, ouais, je pense. Il doit être dans un état, par exemple, un état de rêve qui soit qu'on s'en rappelle ou qu'on s'en rappelle pas. Et ensuite, on l'en sort d'un coup. Et je pense que ça, sans m'y connaître en cerveau, ça doit avoir un petit effet qui nous désempare et qui nous fait perdre nos repères au réveil, quoi. Ça me fait penser à un truc. Ça m'est arrivé un jour avec un tremblement de terre ici, justement. C'était le matin très tôt, tremblement de terre. Enfin, c'était le plus fort tremblement de terre que j'ai senti ici. Ça a fait bouger les portes du placard, quoi, tellement. Et je me suis réveillée et le premier. Enfin, je savais pas où j'étais, je comprenais pas. J'ai cru que c'était mon Playboy à côté qui avait des convulsions ou quelque chose comme ça, quoi. C'est parce que tu sais pas ce qui se passe, quoi. Tu t'es réveillée en plein. Enfin, bref. Donc voilà, ça me fait penser à ça, en effet. Émir, tu dis que tu as peu de retour d'expérience, mais comme on l'a dit juste précédemment, tu cours avec ta moitié, avec Carole. Elle t'a jamais confié ce genre de désordre? Si, ça lui est déjà arrivé d'avoir des hallucinations, mais surtout l'un des formats que je trouve les moins gênants, à savoir, c'est juste que ton cerveau qui crée des choses, qui prend des formes abstraites et qui en fait des choses concrètes. Voilà. Des hallucinations, ça a été de voir des voitures, voir des maisons, voir une oasis dans le désert, quoi. Enfin, c'est l'idée. Et j'ai eu de retour que de sa part que sur ce genre d'hallucination-là. pas sur le bordel le que j'ai vraiment vécu. Intéressant, le truc vraiment intéressant, ce serait de pouvoir comparer vos hallucinations et de voir si un peu vous êtes dans les mêmes délires, si vous avez les mêmes hallucinations et tout. Mais c'est pas, comparer en temps réel. Je pense que c'est pas le cas. Ou alors on en a, ah, on parce a que pas ça parlé. Se pose, on se poserait des questions sur la réalité après. Ah, c'est clair. Ah ouais, c'est machin. Clair. Bah, moi aussi, je l'ai vu, quoi. Tu vois? C'est vraiment les sens qui se... Bah là pour le, je pense que les celles que j'ai vécues, du coup, je pense que Carole, il lui faut un manque de sommeil beaucoup plus important que le mien pour en arriver là. Pour arriver à cet état-là. Je pense, oui. Parce que je pense que sa résistance de base, elle est plus importante que la mienne, je suppose. Est-ce qu'on a connaissance d'accidents intervenus à des coureurs à cause du sommeil dans des grandes courses, dans des trails type UTMB Je sais pas. Je t'avoue que. C'est pas une bonne question. Je sais qu'il y a des accidents, mais est-ce que c'est à cause du sommeil? Je sais pas du tout. Est-ce que finalement, il nous arrive rien parce que physiologiquement, on est plus lucide qu'on ne le croit avec le recul? Je sais pas moi, peut-être même qu'on est dans un espèce d'état supérieur, on se transcende, on transcende notre être, on mobilise l'excellence de notre cerveau. Les 100%, bah, presque, les 100% peut-être, parce d'exploitation. On regarde Émir qui arrive à courir ou à marcher avec les yeux fermés, peut-être. Hein. Ouais, je pense que tu as sûrement raison, de l'extérieur, ça se trouve, on est dans un état... correct, mais comme je te disais, j'ai aussi vu des gens qui de l'extérieur faisaient flipper, tu vois. Donc je me dis que il y a peut-être de tout. Il y a peut-être que le cerveau se dit je suis pas lucide, et que donc si on est très prudent, on interprète ça comme on s'inquiète immédiatement de perdre les moyens habituels. Ça, il doit y avoir des gens comme ça. À l'inverse, je pense que tu as vraiment des gens qui sont dans des états vraiment pourris. Et ces états existent, hein. Je pense vraiment qu'ils existent. Ouais. Moi, en tout cas, j'essaie de prouver que tu étais capable de passer dans une autre dimension. J'espère que tu crois en mon hypothèse. Ouais, peut-être bien. Ouais. J'ai toujours su que j'avais un petit truc un peu surnaturel, mais je sais pas à qui en parler. À nous, ça nous fait plaisir. Ok. En tout cas, moi, personnellement, je suis jaloux de cette chronique, car je me serais délecté d'écrire des insanités qui me seraient parvenues au cerveau. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est peut-être mieux que ça arrive pas, parce que j'ai trop peur que mon cerveau me fasse faire ou dire des trucs que j'assumerais pas, quoi. Ah, c'est flippant, ça. Ouais. Et je vous propose de passer au moment tant attendu de cette émission. Pardon, Émir, hein, pardon pour toi. Mais je crois que nos éditeurs se délectent d'entendre Margie dans un exercice qu'ils n'imaginaient peut-être pas. Vous êtes OK? Ah bah oui, mais moi j'attends ce moment avec impatience. Oh. Alors, si vous êtes sur Instagram et que vous êtes sur le point de publier une photo de vous, là-bas vos lèvres ou en train de vomir votre dernier 6x1000, écoutez d'abord ce que Margie a à vous dire. Les bonitos. Je n'ai pas le phrasé d'Émir et je ne manie pas l'ironie et le second degré comme le fait à merveille David. Mmh. Alors espérons donc que mon passage furtif de l'autre côté du miroir ne se fera pas dans la douleur. Soyez indulgents. Il y a beaucoup de choses qui m'agacent, les bonitos si vous saviez, mais il y en a une en particulier quand on parle de la course à pied. Cette manie qui consiste à évaluer notre badassitude par rapport au degré de douleur soi-disant ressenti. Badass. J'ai souffert, je me suis fait mal pour terminer. Malgré la douleur, je n'ai pas lâché, et oui, je suis allée au bout. Ce sont les phrases que l'on entend, ou plutôt lit sur Instagram et compagnie. Mmh. Vous savez, les fameux réseaux sociaux devenus notre plateforme pour parader devant le monde entier. Et ça marche. Je mets ma main à couper que de telles phrases vous feront récolter une pluie de commentaires, likes et autres petits pouces bleus vantant vos mérites. Ah, et pas que ça, hein. Et les émoticônes gros biscotto. Ah ouais, aussi. Aussi. Et ouais. Alors, pour exemple, j'ai en mémoire cette photo postée par une demoiselle nouvellement aficionada de la course à pied. Vous savez, les photos là sorties de je ne sais quelle application avec distance, temps, allure et tout le tralala. Enfin, ça dépend, hein. Soit t'as que la distance, soit t'as la totale avec l'allure. Mais bref, ça aussi, c'est autre chose qui me fait doucement rigoler. Mais bon, nous avions donc cette petite photo postée sur Instagram avec une légende qui donnait à peu près ça. Si fière de moi, ma plus longue distance, ce n'était pas gagné, mon genou a commencé à me faire souffrir au bout de X kilomètres. J'ai continué malgré tout, maintenant je sais ce que c'est que courir dans la douleur. I'm in, torse bombé, en attente du badge d'honneur. Enfin non, ça c'est moi qui en rajoute. Hein. Mais bon, à la lecture des commentaires tous plus flatteurs les uns que les autres, ça revenait à ça. Mais pourquoi ? Il faut avoir mal pour être un héros ? Il faut se faire mal pour être un coureur ? Courir est synonyme de douleur ? Je suis perplexe. Je pense pas être masochiste, et pourtant j'aime courir. Je n'ai pas le goût de la douleur, mais le goût de l'effort. Pour moi, l'effort n'est pas une douleur, mais un dépassement de soi. C'est dur, et comme je le dis souvent, si c'était facile, tout le monde le ferait. Et c'est ce qui me plaît. Je repousse ce que mon corps peut encaisser, sans lui, nous infliger de la douleur. Vous allez peut-être me dire que je joue sur les mots. Je ne pense pas. La douleur, qu'est-ce que c'est ? C'est un mécanisme de défense pour nous signaler un problème qui met notre corps en danger. Bien, c'est donc pas de la rigolade, cette affaire. Et l'effort, c'est quoi ? Alors j'ai sorti le Larousse. Mobilisation volontaire de forces physiques, intellectuelles, morales, en vue de résister ou pour vaincre une résistance. En s'entraînant, on conditionne notre corps pour qu'il repousse justement ces seuils de résistance. Il n'y a pas de danger, il connaît, on s'est entraîné. Alors pourquoi faire l'éloge de la douleur ? Pourquoi c'est hype de dire qu'on a souffert ? Pourquoi courir alors qu'on a mal est insensé ? Personnellement, je ne trouve pas ça sain. J'aurais tendance, moi, à ne pas fanfaronner si j'ai dépassé involontairement le seuil de l'effort. Quand je ressens une douleur, je n'en suis pas fière. Ça veut dire que j'ai mal fait mon job. Sur une course, parce que c'est là où on a le plus de chances de vouloir donner son maximum, on va forcément aller flirter avec cette ligne si ténue entre effort et douleur. Personnellement, ce que je recherche, c'est le maximum de mon effort. J'ai entraîné mon corps, on va peut-être bien aller plus loin que ce qu'on a fait durant l'entraînement, mais on va travailler ensemble pour y arriver. S'il y a une vraie douleur physique, c'est pas bon. Quelque chose n'a pas fonctionné. Maintenant, je veux bien essayer de prendre un peu de recul, car je n'ai certainement pas la prétention de croire que j'ai expérimenté toutes les sensations de course et tous les cas de figure. Ben non. Ouais. On l'a vu. Déjà, on l'a vu, voilà. J'ai pas eu des hallucinations comme Émir encore. Première chose. Alors, j'ai la chance déjà de ne m'être jamais blessée sur une course. Si ça m'arrivait, qu'est-ce que je ferais ? Comment je réagirais ? Est-ce que je continuerais ? Moi, pour qui le terme « courir dans la douleur » fait grincer les dents ? J'ai pris volontairement l'exemple d'une course. Ça pourrait être un défi personnel important pour soi, pas forcément dans le cadre d'une course. Car il me semble que c'est le seul cas de figure dans lequel je chercherai au maximum à finir, à aller au bout. Et donc peut-être d'avoir à revoir mes jugements. Car oui, je pense que j'essaierai de finir, même s'il y a douleur. Mais je pense que je n'en serai pas fière, bien au contraire. Autre chose. Mon playboy personnel est sujet aux crampes. Et ça arrive sur les courses. Là, oui, il y a douleur. Et là, oui, je conçois qu'on court dans la douleur. La différence, je pense pas qu'on fasse plus de mal à son corps en courant malgré les crampes. Certes, c'est un mécanisme pour nous signaler un problème. Il y a eu un bug dans le système. Mais on va pas finir blessé. Il n'y aura pas de séquelles. Enfin, tout du moins, je pense. Alors, quand j'entends des coureurs encenser cette histoire de douleur pour avoir bien couru, ça m'ennuie. On devrait être les premiers, nous, coureurs, à faire la différence. On devrait respecter notre corps et ses signaux, car c'est grâce à lui qu'on court, et non contre lui. De la part d'initiés, je ne l'admets pas vraiment. Et puis il y a les non-initiés. Comme vous le savez, l'été dernier, j'ai couru un 50 miles. C'était ma plus longue distance, ma plus grosse course, sur trail. Ça avait de l'importance pour moi. J'ai dédié beaucoup de temps et d'énergie, et j'étais donc fière d'avoir relevé ce défi. Mes parents ne sont pas sportifs. Ma mère a toujours été contre la compétition et je peux dire sans me tromper qu'ils ne comprennent pas pourquoi je cours, pourquoi je fais des courses et pourquoi je me lance des défis sans intérêt à leurs yeux. Malgré tout, après mon 50 miles, ils m'ont demandé comment ça s'était passé. Et malgré tout, j'étais fière de leur raconter cette aventure. Ils m'ont écouté poliment le décrire mes déboires, mon impossibilité à manger, ma perte de lucidité, mon incapacité de courir au bout d'un moment... et ces 20 minutes en hypoglycémie passées allongées sur un tronc d'arbre. Je racontais tout ça, sourire aux lèvres, quand ma mère, très sérieusement, m'a fait remarquer. Mais moi, je comprends pas pourquoi tu fais ça, hein. C'est quand même se faire du mal. Et ça m'a laissée toute bête, parce que d'un coup, je me suis retrouvée de l'autre côté, de leur côté, et j'ai compris sa réflexion. Et je me suis posé des questions. Je pense que c'est difficile d'expliquer ce qu'on recherche en repoussant ses limites. C'est personnel et tout le monde n'a pas le goût de l'effort. Et c'est d'autant plus difficile de le faire comprendre quand on est baigné dans des amalgames entre effort et douleur. Alors, est-ce que je fais du mal à mon corps ? J'essaie de faire en sorte que ça ne soit pas le cas. Je n'y arrive pas forcément, on ne va pas revenir sur mes déboires avec la course à pied. Mais je reste fascinée par cette incroyable machine qui s'adapte, ce modèle, et nous permet de, encore et toujours, aller là où on ne pensait pas pouvoir aller. Et pour la petite anecdote, ce n'est qu'après avoir raccroché avec mes parents que j'ai saisi toute l'ironie de la situation. Cette remarque, aussi pertinente soit-elle, avait été prononcée par ma maman, assise sur le canapé, un paquet de chips déjà bien entamé entre les mains. Alors, faire du mal à son corps, se faire du mal, c'est peut-être une question de point de vue. Ouais. Est-ce que c'est une question de point de vue ? Pour répondre à cette question, on va tout de suite accueillir la maman de Margie. Oh yes ! Okay ? Il y a ma mamoune ! Je suis trop contente. Ben voilà, petit coucou à elle d'ailleurs. Moi j'ai une question tout de suite par rapport à ça, hein, pour évacuer le litige avec ta maman. En quoi sa réflexion, la réflexion de ta maman a pu t'apporter ? Est-ce que c'est quand même une petite remise en question ? Parce que tu vois, perso, quand j'ai lu ta chronique, j'ai pas super apprécié en fait ce petit passage où tu parles de ta mère sur le canapé en train de manger les chips, parce qu'en plus moi je trouve que c'est très bien de le faire. David, le défenseur des mères. Je défends les mères, d'accord. On touche pas aux mères. Exactement. Mais je voulais savoir en fait quelque part si t'étais de son côté en fait finalement. Si, mais justement moi ça c'est elle me l'a dit parce que elle l'a pas dit, c'était pas méchant, hein. C'était une vraie question. Bah oui. Elle se disait mais en fait tu fais du mal à ton corps quoi, et ça l'inquiétait plutôt, tu vois. Mais du coup le fait qu'elle l'ait dit de façon aussi sérieuse, moi ça justement ça m'a fait réfléchir. Je me dis, est-ce qu'elle a raison ou pas finalement, est-ce que je fais du mal à mon corps, pourquoi je fais ça? Non, donc oui, non, je l'ai bien pris. Après l'anecdote de dire parce que c'était rigolo en fait, ça me mais oui, voilà, c'est juste que ça m'a fait rire parce qu'elle me dit attention quand même, tu fais du mal à ton corps, et elle me dit ça alors qu'elle est en train de manger des chips, et tu te dis mais il y a plusieurs façons de faire du mal à son corps, tu vois, finalement. Est-ce que la mienne est mieux que la tienne, on ne sait pas, tu vois. Bon. Ben, c'est une question en fait. Ouais. Bon, on va pas embêter maman trop longtemps. On te remercie quand même d'avoir mobilisé le Larousse et non pas le Robert. J'ai fait pour. Qui par ailleurs, parce que le Robert, lui, il aurait défini récemment que le running, c'était une pratique de la course à pied en mode compète. Ouais, ben moi j'enverrai à Robert la définition de running, qui est un mot anglais. Voilà. C'est vrai. Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant. Ça serait intéressant aussi de comparer dans les autres pays un peu. Ok, donc pour Margie, avoir mal par essence, c'est pas quelque chose d'enviable. Quoique, enfin, tu nous as dit que t'étais pas masochiste. Non. Voilà. Et donc, pour toi, c'est quelque chose de pas très sain. Enfin, pour toi, ce qui est sain, c'est d'avoir la maîtrise suffisante de sa pratique, la préparation adéquate pour éviter la douleur. C'est bien ça ? Ouais. C'est ça, dans l'idéal, ouais. Dans l'idéal. Ouais, ouais. Et pour toi, donc, l'héroïsme passe par l'exhibition d'un effort, enfin, voilà. C'est l'expression aussi d'un narcissisme, quoi, sur les réseaux. D'ailleurs, j'aurais bien voulu savoir s'il était possible d'exprimer un sentiment de fierté sur les réseaux, parce que j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui n'est pas très, très apprécié dans la communauté. Ah bon ? Ouais, attends, après, moi, ce que je n'aime pas qu'on mette... En fait, ce que j'aime pas, c'est qu'on mette en avant... le fait de souffrir pour dire c'est bon, je suis un coureur, les gars, j'ai souffert, c'est ça qui me dérange. Mais je comprends que être fier de souffrir pour toi, c'est pas quelque chose de tout à fait normal. C'était juste une petite parenthèse. Quoi. Je pense qu'il faut pas forcément avoir honte d'exprimer de la fierté, mais effectivement, ça dépend pourquoi. Autre petite parenthèse, j'ai bien noté le petit point de condescendance envers la madame nouvellement aficionada de la course à pied. Hein. J'ai pas trop apprécié ce passage non plus. Ah, mais non, mais attends. Te dire ça, il va falloir revoir ça dans ta chronique. Alors, je vais te remettre, je vais t'expliquer pourquoi j'ai pris cet exemple-là, parce que justement. Ouais. Le fait que toujours on dise, enfin, qu'on mette en avant, les gars, c'est bon, j'ai souffert, je suis une coureuse. C'est ça, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Ouais, mais en quoi ça concerne forcément la madame nouvellement aficionada ? Parce que nouvellement. Et elle se sentait pas coureuse tant qu'elle n'avait pas souffert. C'est ça le problème. Tant qu'elle n'avait pas éprouvé. Voilà. D'accord. Sans avoir souffert, sans avoir couru dans la douleur, elle ne pouvait pas se considérer comme coureuse, tu vois. Ok, je retiens ton objection. Un peu à contre-cœur, j'avoue, mais ok, ça marche. Bon, passons un petit peu à Émir. Émir, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, selon toi, à 1h36 du matin, oui, pourquoi, selon toi, il faut, entre guillemets, avoir mal pour être un héros ? Voilà. Et je complète avec une deuxième question. Est-ce que, comme ça tu pourras parler longtemps, est-ce que tu as la même différenciation entre l'effort et la douleur que Margie? Ouais, très bien. Je sais pas pourquoi tu as risqué de poser deux questions, parce que déjà, comme je parlais une demi-heure sur la première, j'aurais oublié la deuxième, tu vas être obligé de la répéter. Mais bon. Ça marche. Non, parce que déjà, moi, j'ai envie de dire un truc extrêmement simple qu'on a réussi à ne pas prononcer jusque-là et je nous en félicite. Nous avons la culture worldweed du no pain, no fucking gain. Les gars, ah, oui, no pain, no gain, et ben ça explique tout en fait. Ça explique tout. Pas de pain, pas de gain. Et du coup, si tu pars du principe que t'as pas de pain, et ben finalement ta pratique ne sert à rien, parce que finalement pourquoi tu pratiques? Tu pratiques pour le gain, c'est connu, hein? Parce que monsieur le coureur qui court pour rien de spécial, finalement c'est un nul, hein? On a tous compris ça. À ce jour, n'est-ce pas? Il faut forcément courir pour aller chercher quelque chose de supplémentaire, de supérieur, de machin, et ça c'est vraiment reconnu. Et du coup, ce gain-là, pour l'obtenir, il faut du pain, il faut du pain, il faut de la douleur, et c'est en remontant un petit peu cette chaîne-là qu'on se dit, aujourd'hui on a énormément de gens qui disent, les gars, j'ai fait du pain. Et comme j'ai fait du pain, j'ai eu du gain. Et donc finalement, on est valorisé, on s'auto-valorise d'avoir eu du pain. Parce que, comme tu l'as dit, c'est badass, tout le monde ne peut pas le faire, ça tu l'as dit très justement, tout le monde ne peut pas le faire, se violenter. Et donc, ça nourrit l'ego, je pense. Ça nourrit l'ego de pouvoir. Ah, mais moi, par contre, je suis pas d'accord avec le no pain, no gain. Oui, j'ai bien compris que tu n'étais pas d'accord. Si tu étais d'accord, tu n'aurais pas fait cette chronique. Ça, on l'a bien compris. Non, mais parce que, voilà, on peut avoir du gain sans le pain, tu vois. Ah, mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. On peut avoir du gain sans le pain, sauf que je trouve que le no pain, no gain, c'est quand même vachement ancré. Et du coup, ça ne m'étonne pas qu'il y ait énormément de gens qui l'aient en tête et qui sont drivés par ça. Oui, ça biaise un petit peu. Ça biaise un petit peu le rapport qu'on peut avoir avec les outils, les réseaux, etc. Il est entendu que y a hashtag no pain no gain. Donc on fait le no pain no gain. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc quand tu dis j'ai galéré à l'entraînement, j'ai morflé, j'ai tout donné en fait. Voilà, j'ai fait mon taf. J'ai fait du pain, j'aurais dû. C'est vrai que mine de rien, ce type de hashtag, en fait, ça entretient tout simplement le mimétisme, donc les comportements. Et on se retrouve tous à faire des petits biscottos bien gonflés parce qu'on s'est fait mal. Et voilà. Et la petite nouvelle aficionada de la course à pied, elle croit qu'il faut no pain, no gain. Voilà le problème. Oh, laisse-la tranquille. <c'est okay. rire> Ok. Bon, j'ai une deuxième question, Émir. En fait, est-ce que tu fais la même différenciation de l'effort et de la douleur que mardi? En fait, non. Non, parce que j'avoue ne pas avoir la même... J'arrive pas tout à fait à comprendre la subtilité de la manière que mardi... Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, même s'ils l'expriment avec le champ lexical de la douleur, en fait, il s'agit juste d'un effort où ils ont tout donné, quoi. Par exemple, une question de vocabulaire. Par exemple, dans le fit game, tu vas faire du pump, de la congestion, par exemple. C'est un outil hyper utilisé pour les photos de mecs ou de nanas qui veulent se mettre en avant dans le fit game, par exemple. Pour faire du pump, de la congestion et avoir les muscles plus gros et faire une photo stylée, est-ce qu'on estime qu'il faut du pain, il faut de la douleur, ou est-ce qu'on estime que non, en fait, quelque part? Là où je veux en venir, c'est que pour avoir de la congestion, il faut faire des efforts, faut porter lourd, faut faire en sorte que ton muscle soit traumatisé, pour déclencher cet afflux sanguin qui va provoquer ce gain de volume temporaire, le pump. Est-ce que ça, c'est de la douleur ou est-ce que c'est de l'effort, tu vois? Moi, je sais pas. Je sais pas répondre. Si on part de la définition de Margie, c'est juste de l'effort, auquel cas, c'est sain. Mais la personne qui a pris la photo pourrait dire, aujourd'hui, j'ai fait un entraînement, je me suis complètement tué, tu vois. C'est-à-dire utiliser un vocabulaire du côté de la douleur, alors que finalement, c'est un effort. C'est un effort validé par la définition mardi, goût de l'effort, mais il l'aura exprimé de manière à « je me suis défoncé ». À l'inverse, je pense que t'as l'inverse aussi. T'as ceux qui vont avoir un vocabulaire du type beaucoup moins violent, on va dire. Hein, et à l'inverse, ils vont avoir fini en crachant leur poumon, quoi. Et là, c'est vraiment de la douleur et de la douleur malsaine, pour le coup. Bah, tu vois, moi, tout ce vocabulaire-là, ça m'ennuie parce que... Enfin, la douleur, c'est pas quelque chose... Parce qu'il y a des amalgames qui se font, en fait. Ouais, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de clarté. Ouais, et la douleur, enfin, c'est quelque chose... C'est pas rigolo, quoi. Il faut pas le... C'est pas normal d'avoir mal, quoi. Non, c'est pas normal, mais moi par exemple, sur un ultra, j'ai tout le temps mal, hein, mardi. J'ai jamais une fois où je te dis j'ai pas eu mal sur cet ultra. J'ai mal tout le temps. C'est, à un moment donné, j'ai mal, tu vois. Et je trouve je trouve pas que c'est une mauvaise chose, je trouve que c'est normal. Ouais. Bon, après, c'est ultra. Mais quand je te dis la douleur en général, quoi, parce que quand t'es... Enfin, la douleur, pas forcément de la course à pied. Donc, ça m'ennuie quand pour des entraînements ou des choses comme ça, on va dire « Allez, je me suis fait mal, c'est bien. Ouais, » Ou qu'on va décider d'aller courir et qu'on a mal, mais on continue de courir parce que c'est trop bien, tu vois. On est bien, on est fort, là, parce qu'on a couru alors qu'on avait mal et tout. On est blessé, mais c'est pas grave, on a couru, quoi. Tu vois, ça me dérange. Maintenant, sur un ultra... Donc, encore une fois, courir blessé ou faire du sport blessé, ouais. Ça arrive aux sportifs de tout niveau, enfin, tout sport, quoi. Je veux dire... Il y a blessure et blessure. Ouais, mais par exemple, tu t'arrêtes ou pas si t'as les mal. Footballeurs, non, enfin, les footballeurs, par exemple, ils t'expliquent. Là, je parle des professionnels, de tout niveau, on va dire, mais professionnels. Ils t'expliquent que pendant 10 ans, peut-être, ils ont joué avec toujours une petite blessure ou toujours une petite douleur quelque part, quoi. Tu vois, il y a aussi cet aspect-là. Mais de toute façon, je vais me permettre de reprendre les manettes parce que c'est quand même moi qui dirige cette émission. Oui, vas-y, voilà. excuse-nous. J'espère que c'est bien clair. Et je vais me permettre de vous poser la question suivante. Est-ce que être performant, ce serait réussir à réaliser un objectif en le vivant le mieux possible? Donc j'ai l'impression pour toi... Pour moi, clairement. Clairement. Mais du coup, moi j'entends de loin les compétiteurs parfois un peu benêts, hein, qui vont te répondre que s'il te reste un peu de confort, c'est que t'as pas tout donné. Tu vois, tu pourrais peut-être accepter de souffrir un petit peu plus et pour obtenir un peu plus. C'est le sens de leur réflexion à nos amis. Bah, fans de. C'est difficile aussi, mais voilà, mais comment dire, j'ai fait des courses, c'était très difficile. Mais ça m'embête de dire. Enfin, est-ce que c'était vraiment de la douleur ou est-ce que c'était de l'effort? C'est mon questionnement entre les deux, quoi. C'est vraiment compliqué, hein. C'est une question d'interprétation. Personnellement, j'ai fait des 10 bornes rapides il y a quelques temps de ça, il y a quelques années. Pour moi, c'était de la douleur. Hein. Toi, tu dirais c'était vraiment de la douleur, quoi. Moi, j'ai fait des 10 kilomètres, c'était dur. C'était dur, je vais pas dire que c'était facile, hein. Je suis allée chercher loin, mais... Bah, à partir en fait, du moment où quand je même suis... L'expression... Je suis... Pardon, ouais. En fait, il y a quand même l'expression, la douleur, il y a quand même une expression au niveau du corps. C'est-à-dire que la douleur, elle peut s'exprimer par une blessure. Donc effectivement, il y a des gens qui vont se blesser lors d'un marathon, lors d'une course, tout ça, qui vont continuer à moitié sur une jambe, etc. Donc ça, je comprends que cette notion, enfin ce dépassement de soi, on va dire, que tu le trouves malsain. Ouais, malsain ou bon, parce que je sais pas comment moi je réagirais si ça m'arrivait, je vais pas dire le contraire. Ouais, non, mais je veux dire, ça m'empêche pas, ça m'embête, ça m'empêche pas d'avoir des contradictions. Bien sûr, ça t'embête. Et t'en serais pas fier si ah c'était... Ah non, bah, voilà, j'en serais pas fier. Là, par contre, je t'assure que tu me verrais pas mettre un truc Instagram. Les gars, c'est bon, j'ai fini ma course, j'ai souffert, je me suis blessée. Non, jamais de la vie, je mettrais pas un truc pareil, quoi. Enfin, jamais de la vie, on sait jamais... Faut pas dire jamais. Mais bon, vraiment, non. Là, ce serait renier tout ce en quoi, je crois. je comprends bien. Moi, je me pose vraiment la question. Ben, comme Émir prenait cet exemple du 10 km, où voilà, on va chercher loin. Même un marathon, on va chercher loin, quoi. Et chaque fois, je me pose la question. Est-ce que c'était de la souffrance ou est-ce que c'était de l'effort? Moi, je préfère penser que c'était de l'effort. Oui, mais voilà, est-ce que la souffrance n'est pas partie intégrante de l'effort dans certains cas? Je crois que la question, vraiment, est ouverte, quoi. Ouais. Ouais, est-ce que le dépassement de soi n'est pas accepter au moins une toute petite partie de souffrance? Je pense que c'est. Tu passes. Si tu veux aller chercher un truc jamais vu, il faut sortir du confort. Et sortir du confort, c'est aller chercher des états qui sont difficiles. Et qui dit difficile dit que voilà, dit t'es dans le rouge, qui dit t'es dans le rouge dit t'es pas bien, dit t'es pas bien, effort, douleur, enfin voilà, on en revient toujours au Ouais, même, ouais. hein, c'est t'es où quoi? Voilà. Mais j'aime bien, je trouve qu'il est important de faire la différence, quoi. Enfin, de se la poser, la question. Pas de dire de suite, ah, j'ai mal, quoi. Ou j'ai mal. Ou, ouais, je souffre. En tout cas, Emir n'a pas prononcé l'expression Comforting. zone de confort, ce qui justifiera qu'on ne coupe pas son intervention précédente. En parlant, tu parlais de crampes tout à l'heure. Ouais. Est-ce que les crampes ne peuvent pas, j'en sais rien moi, hein, ils ne peuvent pas amener à des blessures, genre Alors, claquage, élongation, etc. Hein, je je parle sais, pour le Playboy, s'il nous écoute. ouais, il nous Bah écoutera. oui. Oui. Ben, en fait, moi, ça m'est jamais arrivé. Alors, c'est vrai, c'est marrant parce que tu vois, je parle de ça avec lui, et quand je lui dis, moi, je souffre pas sur les courses. Enfin, c'est pas de la douleur. J'en parle avec lui. Mais dis, moi, je sais ce que c'est parce que j'ai des crampes. Et moi, ça m'est jamais arrivé, donc je peux pas dire. Tu vois, je peux pas. Tu n'as jamais eu de crampes. Non, ça m'est jamais arrivé. J'ai la chance de que ça me soit jamais arrivé. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais du coup, on s'était renseigné un petit peu parce que c'est embêtant. On aimerait bien qu'il n'ait pas de crampes, quoi. Apparemment, c'est un truc au niveau des nerfs. Enfin, maintenant, je ne sais plus. J'aurais dû re-regarder avant cette émission pour ne pas dire des bêtises. C'est vraiment comme s'il y avait un bug, quoi. Le muscle est bloqué dans une contraction, quoi. Mais alors, Oui. du coup, ça vient d'où, etc. Ils le savent pas encore. Hein, ils savent pas vraiment pour arriver à les prévenir. On ne sait pas. Et est-ce que ça peut entraîner un claquage ou je sais pas en fait. Je sais En pas si fait, on peut arriver communément, à. quand même, on dit que pour éviter le phénomène de crampes, il y a une question d'hydratation, tout ça. Moi, je ne suis Ça pas se dit, médecin, mais j'avais regardé et c'est pas forcément vrai quoi. Enfin, c'est. Donc tu veux entretenir une espèce de théorie du complot à l'intérieur même de cette émission. Ok, je le note, pas de souci. Non mais en fait, j'y connais rien, je suis pas du tout médecin. Seul truc, c'est que personnellement, je le fais. Et il y a même un moment, j'avais un problème aussi, la petite dédicace à ton Playboy, j'avais un problème de crampes récurrent, on va dire, à un mollet. Et en fait, du coup, quand je courais, ouais, je faisais déjà peut-être de la pleine conscience. J'avais un peu personnifié cette crampe et je m'en étais fait un peu mon allié pendant la course. Je lui parlais, et ça marchait effectivement. J'ai l'impression que mentalement, j'avais aidé Parce que ça à n'arrive pas, surpasser ce quoi. Ouais. problème-là. Mais après, ce qu'il faut aussi voir aussi, c'est que quand tu fais de l'ultra ou quand tu fais des courses longues, les crampes, bah, tu arrives à les faire passer à un moment donné aussi. Hein. Ouais. Même en continuant à courir sur des crampes, à un moment donné, tu apprends qu'elles peuvent passer. Alors, ce n'est pas toujours très agréable, ce n'est pas toujours très confortable, mais il n'y a rien de, y a rien qui exige forcément d'arrêter ou d'abandonner une course, par exemple, parce qu'on a des crampes, quoi. C'est pas forcé. Déjà, on peut s'étirer, on voit beaucoup au marathon des gens qui sont sur le côté qui s'étirent parce qu'ils sont sujets à des crampes et ensuite ils repartent un peu comme ils peuvent. Hein, mais bon, moi j'aurais, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à ajouter là-dessus, Non. non, rien. Alors, quid de la douleur qui est possiblement mentale? Bah, j'en parlais un petit peu aussi. Enfin, c'est pas vraiment ça. Je veux dire, est-ce qu'il est possible d'éviter la douleur en se préparant mentalement? Et je vous attends au tournant parce que je commence à potasser le sujet, moi. On a peur de répondre là, du coup, tu vois. Wow, là, c'est Non, lourd. allez-y. Moi, je pense que oui. Ah ouais? Moi, Moi, ouais. je pense que oui parce que je pense à la. Ce qu'on appelle la visualisation. Bah ouais. Tu vois, tu te fais la course avant, tu réfléchis à toutes les. Bon, tu réfléchiras pas à tous les cas qui peuvent arriver parce que c'est pas possible. Si tu t'imagines déjà que ben, potentiellement il va t'arriver ça ou ça, tu arrives à le gérer mieux quand ça arrive. Et du coup, Et peut-être même que tu arrives à à l'éviter l'éviter? peut-être pas, ouais, peut-être bien aussi. Ben ouais, moi j'ai l'impression. Ouais, moi je pense que oui. Moi je sais que avant toute course, mais j'ai toujours fait ça. Pendant l'entraînement et tout ça, je me visualise souvent sur le parcours, sur la distance, sur est-ce que s'il m'arrive ça, comment je vais réagir, ce genre de choses. Parce que j'aime bien planifier les choses dans ma tête. Donc ça m'aide. Moi j'ai un truc, j'ai une blessure récurrente là qui fait que quand je vais courir au bout de 7-8 km, j'ai mal, j'ai un problème de tendon quoi. Et ce qui est fou, c'est que aussi par ces techniques d'image, de visualisation et tout, j'ai le sentiment de réussir à gérer ça en fait. À tel point que par exemple pour mon dernier 100 km, 2-3 jours plus tard, je me suis dit, mais j'ai eu zéro douleur quoi, à ce tendon. Quoi. Ouais. Alors que là, je marche tous les jours, j'ai mal. Quoi. Mm-hmm. Où je vais retourner courir, je suis retourné courir une fois d'ailleurs, et j'avais cette stupide douleur. Quoi. Moi, je pense qu'il y a à creuser à ce niveau-là, au niveau mental. Ouais, moi, j'en suis sûre aussi. Enfin, je pense vraiment. Ouais. Comment est-ce que vous expliquez, Émir peut-être, comment est-ce que vous expliquez à vos proches non-coureurs que vous pouvez puiser assez loin dans vos ressources physiques ? C'est hyper compliqué à expliquer ça. C'est... Ouais, à faire comprendre, tu veux dire. Ouais, mais du coup, à expliquer aussi, enfin ouais, ça revient plutôt moi-même, je crois, je sais pas. C'est à part expliquer que en essayant de prendre des exemples du quotidien, en essayant peut-être de poser des questions, du genre... T'as déjà pensé que toi, t'étais pas capable de quelque chose et un jour tu l'as fait? Oui, non? Et ensuite, t'essayes de savoir si la personne va te répondre un truc. Genre, ouais, moi, je pensais que je pourrais pas monter 3 étages sans m'essouffler. Puis un jour, j'y suis arrivé. Donc, si tu pars du... Je prends un exemple bateau, mais tu peux trouver n'importe quel sujet, en fait, même au-delà du sport. Est-ce que t'as jamais... Ou arrivé sur une approche comme celle-là, c'est est-ce que t'as jamais changé radicalement d'avis sur un truc dans ta vie? Est-ce qu'à un moment donné, tu pensais ouais. que telle chose pouvait pas arriver, et aujourd'hui, bah, c'est arrivé. Et du coup, essayer de sensibiliser déjà... Enfin, arriver au niveau de te retrouver une porte dans le cerveau en passant par là, quoi, ouais. en passant sur celle du... Tu pensais quelque chose d'impossible, ben en fait, pas impossible. Ça te permet déjà de préparer le terrain pour ensuite dire, ben, en fait, tu commences et petit à petit, tu vois que le corps s'habitue et à force de s'habituer, ben, tu en fais de plus en plus. Et c'est l'approche la plus simple, en gros, que j'ai trouvée et la plus pédagogique que j'ai trouvée pour expliquer que le corps s'adapte, en fait. Je l'utilise encore au quotidien avec plus ou moins tout le monde, hein, mais bon, c'est pas parfait. C'est, dans certains cas, tu vas voir, à la fin de ta phrase, tu auras fini de parler, tu vas voir, ouais. Et puis, la phrase suivante, ça va te montrer qu'en fait, ça n'a pas pris du tout. Tu vas dire, non, mais moi, quand même, je pourrais quand même jamais, je suis sûr. Je pourrais jamais faire ça. Ouais, voilà. Alors que tu viens de passer une demi-heure à expliquer que tout était possible, quoi. Ouais. C'est clair. Ok, pour revenir, peut-être dernière question, pour revenir sur les personnes qui aiment démontrer leur capacité à souffrir, à se faire mal, à se faire violence. On a peut-être peu l'occasion de se retrouver en situation de survie dans notre quotidien. Hein. On n'est pas poursuivi par des animaux féroces, on n'est pas entouré de gladiateurs, on n'est pas sur un champ de bataille. Donc peut-être qu'on a aussi besoin d'exprimer notre capacité à se retrouver face à une forme de danger et donc à le surmonter. Et est-ce qu'on ne cherche pas un peu à éprouver un sentiment de survie, un instinct de survie en fait ? Non, si. Clairement, en fait, nos vies, elles sont... on lutte tous contre la banalité de notre vie, en fait. Tu vois, et quand, quand t'es sur un réseau social, il y a cette dictature de l'exceptionnel. Ouais. Et cette dictature de l'exceptionnel, il faut bien la nourrir en arrivant avec des choses inhabituelles. Et c'est pas en disant des trucs du genre, je suis allé à l'entraînement, je me suis pas violenté. Ouais, c'était à l'aise. C'était à l'aise, voilà, tout à fait, c'était à l'aise. C'est peu vendeur. C'est peu vendeur. Marty, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, ça va. Eh bien, moi, je pense qu'on peut conclure ce débat sur la chronique de Marty, hein, en la félicitant, d'ailleurs, parce que c'était une première très réussie, n'est-ce pas, Emir ? Tout à fait. Tout à fait. Je pense que le poste te va ravir, sans vouloir virer David. Ok, cool. Bon. Moi, j'insiste sur le fait que cette chronique correspond tout à fait à la vision que je me fais de ce podcast. Et j'espère que cette première, ben, on appellera d'autres. D'ailleurs, moi, j'invite nos auditeurs à dire à Margie s'ils ont apprécié qu'elle prenne la plume ou ou s'ils ont détesté que je prenne les commandes. voilà. En tout cas, j'ai aimé présenter cet épisode de Jogging Bonito, même s'il faut avouer que la préparation a été quelque peu chaotique, n'est-ce pas ? Welcome to my life. C'était génial. Extraordinaire. Ah, mais alors là, on s'est transcendé, hein. Là, c'était le... Il y a eu de la douleur. Non, arrête, ne dis pas ça. Il y a eu de la gestion de la fatigue. Ou peut-être le test du goût de l'effort, je ne sais pas. Le goût de l'effort, moi j'ai envie de penser. Goût de l'effort. Bon, en tout cas, on l'a fait avec le cœur et un vrai plaisir, soyez-en convaincus. J'invite les auditeurs à nous rejoindre sur le Discord parce qu'on a mis en place un Discord et ça marche plutôt pas mal. Ouais, hein, on est combien là? Ils sont nourris, une cinquantaine. Hein. On doit être une bonne cinquantaine, ouais. Hein, 50-60. Ça fait plaisir. Ouais, ouais. Et je pensais pas kiffer autant le Discord, hein. Pardon, je me permets. Hein, je pensais pas kiffer autant. Hein. Chaque fois que je vois un truc running, j'ai envie de le partager sur le Discord, donc je mets plein de trucs dans, ouais, les blabla, dans les machins, et ça crée des petites discussions, c'est carrément cool. Donc. Moi, je suis actif sur Discord, je ne pensais pas, mais j'y suis beaucoup. Voilà. Moi, c'est ma petite lecture avant de dormir le soir, ouais. Voir ce qui s'est passé sur Discord. Et plus que ça, parce que moi, je suis allé assister au marathon de la route du Louvre, ici dans le nord de la France. J'ai pu aller encourager, faire quelques kilomètres avec Rémi, qui est un de nos bonitos. Et d'ailleurs, j'ai assisté aussi, donc je le salue, hein, au passage, et merci, il nous avait fait une petite dédicace sur son sac. C'était super. C'était super sympa. Hein. Ça, c'était trop fort. Franchement, il était top. Hein. On a fait quelques kilomètres. Je comprenais pas tout ce qu'il disait parce qu'il y avait la musique dans son sac qui allait à fond. c'était épique, mais c'était un super moment. J'ai vraiment apprécié. En plus, ça m'a fait mon décrassage personnellement. Mais du coup, j'ai aussi assisté au passage des derniers du marathon pour rejoindre un peu le dernier débat qu'on a eu. Hein. Et ouais. Et donc j'ai pu voir que les derniers qui passaient à l'endroit où j'étais, ils étaient un peu justes quand même par rapport aux barrières horaires parce qu'il y avait des petites barrières horaires. Et donc en fait ils étaient escortés par les gendarmes, hein, qui rouvraient la circulation après leur passage, quoi. Et bon, il y a peut-être des gens qui ont été sortis de la course parce qu'ils étaient en dehors des barrières, je sais pas. Mais en tout cas, bon, ça avait l'air ça concernait très peu de gens en tout cas, et puis il y avait pas une grosse pression qui pesait sur les épaules des derniers, ils avaient l'air tranquilles. Moi, je voulais juste placer cette parenthèse. Mm-hmm. Donc j'invite les auditeurs à aller sur notre Discord, nous rejoindre, ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'inscrire. Donc on pourra aussi échanger autour de cet épisode, vous pourrez aussi donner votre avis sur votre perception de l'effort, ouais, ou de la douleur. Et puis n'hésitez pas à nous dire quelle drogue vous prenez pour être compétitif en ultra, et si vous avez déjà discuté, je sais pas moi, avec Whoopi Goldberg comme Patrick Swayze dans Ghost, ouais, sans être mort, on sait jamais. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à prendre de la drogue ou du Malto avant de nous laisser des étoiles sur iTunes. Et 5 puis, de préférence. Voilà, 5 de préférence, tout à fait. Et puis, moi, Mardi et Mir, je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Ouais, avec grand salut, plaisir. À bientôt, les gars, ouais, et à bientôt, les bonitos. Salut à tous, et comme dirait Mardi, bonne année. Salut, salut. Salut.